Weekend's Blues. Weekend's Blues. Le prêt encore à déprimer à mort. Weekend à m'ennuyer devant la télé. Lutin, ça craint jamais réussir à réussir ma vie. Weekend is blues, weekend is blues. J'ai la loose, la ceinture nationale. Dans l'esprit, je suis Denis Maréchal. Weekend is blues, weekend is blues. Moi j'ai le blues. Et ma meilleure amie, Internet, j'y passe toute la nuit. Weekend is blues, weekend is blues. Mon pyjama, c'est comme une seconde peau. Le week-end, je passe comme un clodo. Oh non, ça craint jamais réussir à réussir ma vie. Weekend is blues, weekend is blues, à oublier ma vie, oublier ma vie.